Chapitre 2. Jacques avait passé ses dernières vacances au bord de la Seine, à 70 kilomètres de Paris. Il y connaissait un endroit presque sauvage, près de Bonnières, où nul ne viendrait le déranger dans la sinistre besogne qu'il était décidé d'accomplir. Comme il avait pris son service à 5 heures du soir, il avait encore devant lui quelques heures avant d'être obligé de reconduire sa voiture au garage. À 9 heures moins le quart, il quittait la route nationale et, 1 heure plus tard, longeait les bords du fleuve, tous phares éteints, pour ne pas attirer l'attention. Maintenant, il débouchait, par un sentier fréquenté seulement des pêcheurs, dans une clairière ouverte du côté de l'eau et entourée des trois côtés par des buissons si denses qu'il alluma sans crainte sa torche électrique. Il ouvrit la portière. Comme la première fois, la tête du cadavre retomba sur le marchepied. Le sang avait cessé de couler. Luttant contre son dégoût, Jacques tira le corps hors de la voiture. Minutieusement, il vida les poches du mort. Quelques menues monnaies, un mouchoir, un étui à cigarettes et un briquet, tous deux marqués aux initiales C.B. Dans la poche intérieure du veston, un passeport français au nom de Claude Barène, commerçant, âgé de 30 ans, délivré par la police de Saïgon. Dans la poche revolver, un portefeuille. En l'ouvrant, Jacques tomba tout de suite sur un radiotélégramme envoyé de Paris, adressé à Barène, à bord du China Girl. La victime était donc attendue. Quelqu'un connaissait sa présence dans la capitale. Il se pencha et lut le texte. Chambre salon réservée. Attendons arrivée 19 h mardi. Respectueusement, direction Claridge. Il y avait donc des gens qui s'étonnaient de la disparition de Claude Barène. Vaine était alors la tentative de Jacques de faire disparaître le corps. Rien ne pouvait retarder la découverte du crime. Son imagination anticipant les faits, il voyait déjà, en première page des journaux, un titre énorme. « Disparition mystérieuse d'un passager du China Girl ». Les témoignages ne tarderaient pas à affluer. Les voyageurs se souviendraient de Barène, le porteur également. Il affirmerait que son client avait pris un taxi. Et comme le taxi n'était jamais arrivé au Claridge, on en tirerait des conclusions certaines, le chauffeur serait jugé coupable. L'agent de police qui l'avait interpellé établirait sans nul doute une connexion entre la fuite de Jacques et le crime. Il était perdu. Les lèvres sèches, une sueur froide perlant à ses tempes, il regarda haineusement le mort, seul coupable de sa tragique situation. Il était de taille moyenne, musclé et robuste. Son visage ovale, rasé avec soin, était celui d'un homme d'affaires. Les cheveux châtains étaient coupés courts. Les yeux avaient la même couleur indécise. Un plan germa subitement dans l'esprit de Jacques. Pourquoi ne pas adopter, pour quelques heures, la personnalité du mort? Sans lui ressembler tout à fait, il pouvait, aux yeux d'étrangers, passer facilement pour lui. Le signalement du passeport était le même pour Régnier et pour la victime, et la photo, assez floue, convenait aussi bien à l'un qu'à l'autre. Sa décision fut vite prise. Il passerait la nuit au Claridge, où il expliquerait que ses affaires l'avaient retenu à Marseille. Le lendemain, il repartirait, et alors, nulle part, on n'attendrait plus M. Barène. Il mourait donc 24 heures après son assassinat, 24 heures après qu'il avait pris un taxi gare de Lyon, 24 heures après qu'un chauffeur s'était conduit d'une si étrange façon, poussé par une peur irraisonnée. Jacques prendrait son service à 5 heures, comme d'habitude, et sa vie retrouverait son cours paisible. Ayant repris confiance en l'avenir, il déshabilla le mort. De ses vêtements, il fit un paquet qui lesta de lourdes pierres ramassées sur la rive. Un bruit sourd, quelques vaguelettes, tout avait disparu. Le cadavre suivit le même chemin. Ensuite, Jacques enfonça dans l'eau le tapis qui était imbibé de sang et le nettoya soigneusement. Avec un torchon sorti de sa boîte de réparation, il lava les coussins et le marchepied. Un examen consciencieux le laissa satisfait de sa tâche. Tout était remis en place. Il respira plus librement. Maintenant qu'il s'était débarrassé de son sinistre compagnon, l'histoire commençait à l'effrayer moins. Laissant le fleuve effacer les traces de son passage, il reprit son volant et se dirigea vers Paris. Il n'avait pas mis longtemps, aussi était-il certain d'arriver suffisamment à temps aux Claridges pour prétendre descendre du rapide de 1h47. Il arriva à son domicile sans encombre et déposa les valises du mort sans se faire remarquer. Au garage, tout se passa normalement. Il retourna chez lui à pied, malgré l'orage qui se préparait, et cette petite promenade lui fit beaucoup de bien. Ses plans arrêtés dans les plus minuscules détails, il s'efforça de ne plus penser. Il aurait besoin de tout son sang-froid tout à l'heure, quand il s'agirait de ne pas gaffer, d'éviter les mots d'argot, de se rappeler qu'au lieu d'être né en février au Havre, il était en novembre et à Toulon, et qu'il arrivait de Saïgon après une bonne traversée. Tout semblait endormi dans la maison lorsqu'il atteignit. Ayant cependant verrouillé sa porte par excès de précaution, il examina les valises de Barène et sa garde-robe qui serait la sienne pour cette nuit. Les vêtements du mort disaient l'aisance dans laquelle le jeune homme avait vécu. Jacques se décida pour un costume gris clair, une chemise de soie gris perle et une cravate légèrement plus foncée. Il constata devant la glace qu'il avait l'allure d'un homme du monde et s'en réjouit. Une seule difficulté se présenta. Barène avait les pieds assez grands et Jacques fut obligé de conserver ses propres chaussures qui, heureusement, n'étaient pas en trop mauvais état et ne juraient pas avec l'ensemble. Il garnit ses poches avec les objets découverts sur le mort, échangeant seulement les cigarettes de luxe contre celles qu'il fumait d'habitude. Avant de glisser le portefeuille dans sa veste, il y jeta un rapide coup d'œil. Il y découvrit une épaisse liasse de billets de banque, ce qui le gêna. Il avait scrupule à se l'approprier. Cependant, il lui fallait de l'argent pour jouer son rôle. Tout ce qu'il avait sur lui avait servi à régler ses comptes au garage et à masquer son excursion nocturne. Le portefeuille contenait une photographie de femme d'une grande beauté. Elle était en robe du soir. De magnifiques cheveux noirs croulaient sur sa nuque et ses yeux immenses étincelaient comme ceux d'une Espagnole. Pas d'autre papier qui permît à Jacques de connaître mieux son prédécesseur. Il se fia donc à sa bonne étoile pour le remplacer avec naturel. Ayant rangé les bagages de Barène, Jacques mit le manteau que celui-ci portait à son arrivée. Au moment où il ouvrait sa porte, il se trouva nez à nez avec la concierge. Celle-ci, habillée d'un peignoir, sembla vexée d'être surprise espionnant sur le palier. Mais elle retrouva vite son aplomb. « Tiens, tiens, monsieur Régnier, j'avais donc raison de m'inquiéter de vos allées et venues. Est-ce que, par hasard, vous n'essayez pas de déménager à la cloche de bois ? Ou bien auriez-vous simplement oublié que vous me devez de l'argent ? Si vous tenez à partir, je ne vous retiens pas, mais payez-moi avant. » Jacques, pendant ce discours, eut le temps de retrouver son calme. La vieille n'avait rien vu, ne savait rien, elle n'en voulait qu'à son argent. Tout souriant, il ouvrit son portefeuille et en sortit un billet de 500 francs. « Voilà, madame, pour les 2 mois qui sont en retard. Et gardez le reste, puisque vous êtes toujours si gentille avec moi. » Il avait hâte de se débarrasser d'elle, car il avait décidé de se rendre à la gare de Lyon et de là prendre un taxi pour le Claridges. C'était plus prudent, car il se pouvait que le chauffeur et le portier de l'hôtel échangeassent quelques paroles et, en apprenant que le nouveau client arrivait d'un quartier pauvre de la place d'Italie, ce dernier ne manquerait pas de s'étonner. Mais la curiosité de la concierge s'était éveillée. Ma parole, on dirait que vous venez de faire un héritage, monsieur Régnier. Je vous félicite de tout mon cœur, et surtout, ne prenez pas au sérieux ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de votre départ. Mais non, je ne pars du reste pas. Les valises appartiennent à un ami à qui j'ai promis de les ramener aujourd'hui encore, après mon travail. Je sais bien que c'est une heure impossible, mais il compte sur moi. Je serai là demain comme d'habitude, mais il est possible que je dorme chez lui cette nuit. » Tout en parlant, il avait repris ses bagages et forcé la concierge à lui laisser la place libre. Il était presque 1h30. Dans ce coin perdu, il ne retrouverait pas tout de suite une voiture et il fut obligé de renoncer à son plan de prendre un taxi à la gare de Lyon. Il marcha pendant 300 mètres et atteignit une voie plus animée. À ce moment, l'orage éclata. À quelques pas à peine, un taxi amenait un couple tendre qui descendit. Jacques monta dans la voiture, puis d'une voix impérative, celle d'un authentique client, il lança brièvement « Au Claridge !»